Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 75e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, salut la tribu, c'est la Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon comme chaque semaine. Je tenais d'abord à vous remercier pour tous vos messages et dédicaces que vous me laissez sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas, si vous avez des morceaux qui vous intéressent, laissez-moi un message sur la page et je vous les diffuserai. J'ai remarqué que vous étiez maintenant 483 sur la page Facebook de l'émission. Ça me fait énormément plaisir. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Et on commencera tout de suite cette 75e émission avec Radio Cassure en cassette de Billy the Kick. C'est sur l'album Billy the Kick et les Gamins en Folie, sorti en avril 93 au niveau régional et en 1994 au niveau national. On retrouve Mangez-moi, OCB, Bon Baiser d'Amsterdam. Et le bassiste n'était autre que DJ Zebra. On poursuivra avec Burning de Drakkar. C'est sur l'album Warren with the Wolf, sorti en 2015. On retrouve Rise of the Dark Lord, Watcher of the Wall et Gods of the Thunder. Un superbe album. On poursuivra avec Paracels d'ADX. C'est sur l'album Ultimatum, leur 9e album, sorti le 24 février 2014. On retrouve Commando Suicide, Red Cap et La Caresse d'un Tyran. Caresse d'un Tyran, hein, tout est relatif, monsieur Einstein. On poursuivra avec une nouveauté, Fear of Terror, le nouveau Detox, c'est sur l'album Modern Slavery, sorti en 2016. On retrouve Shapeshifter, Human Drift et State of Mind. Allez faire un tour sur la page Facebook de Detoxed. Ils ont un bandcamp. Je filerai les liens sur la page Facebook de l'émission. Et on finira ce bloc en live avec Jack Glory d'Alpha Blondie. C'est sur l'album Jack Glory, son premier album, sorti en 1982, mais il a été édité sous le titre Rastapoué et réédité en 2001 sous le titre de Jack Glory. On retrouve Diane, Brigadier Sabari et Dou Nagan. Un album qui vieillit super bien. À la fuite des potins, j'écoute les baratins. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tôt ou tard, on sera mis au courant de tous tes mauvais plans. Les amis te malfrats, on se la racontera. Où est la main de ta sœur? Attention la rumeur. Radio Cassure, c'est la Radio Cassure. Mieux qu'une concierge dans l'escalier, nous sommes informés de tes infidélités, tes histoires de cul et les vélos du chou. Crois-moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Où est la main de ta sœur? Attention la rumeur. Radio Cassure, c'est la Radio Cassure. Pareil que du matin, c'est la part du copain, du cousin machin, qui est copain de ton voisin. Franchement, c'est pas criminel, franchement, c'est discothèque. Où est la main de ta sœur? Attention la rumeur. Radio Cassure, c'est la Radio Cassure. Ce soir, il y a une top en petit comité. Mais sur les coups de 9h, une grosse bande s'est pointée. Tu en connaissais qu'un seul, il faut pas se demander comment ça se fait. La Radio Cassure a encore frappé. Où est la main de ta sœur? Attention la rumeur. Radio Cassure, c'est la Radio Cassure. Amis du monde entier, venez nous divulguer ce qui vous est arrivé. Et nous le capterons et on le répétera. Ça se déformera et ça s'amplifiera. Plus d'amis tu n'auras. Et nos morts pour toi et nos morts pour plus. Où est la main de ta sœur? Attention la rumeur. Radio Cassure, c'est la Radio Cassure. Gosh! So happy them, sir. Weak heart dies in misery. Only the strong survive with them, saying, I don't want to die in poverty, y'all. So give I, give I, give I, all I need ya. Keep me warm, that you're my son. Shining bright, brighter than me, all the way. Vous êtes toujours dans la 75e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Rock, Radio Cassure de, en cassette de Billy the Kick, Burning de Drakkar, Paracels de ADX, Fear of the Terror, le nouveau Detox et Jack Glory en live de Alpha Blondie. On poursuivra cette émission avec une nouveauté, enfin plus même plusieurs nouveautés. L'avenir entre les mains, le nouveau Elmer Full Beat, c'est sur l'album À Poil les Filles, sorti le 22 avril 2016. On retrouve Martine à la pelage, Quand j'ai vu ses fesses, qui est une reprise de I'm the Believer de Monkees et La vie devant nous. On continuera avec une autre nouveauté, Wall Lot of Love, le nouveau Hollywood Vampire. C'est sur l'album Hollywood Vampire, sorti le 11 septembre 2015. Bon, c'est un peu ancien, mais bon, c'est pas bien diffusé. Donc on retrouve The Last Vampire, qui sera diffusé dans une prochaine émission, Rise of the Dead et Manic Depression. Et Johnny Depp à la guitare, ça vaut vraiment le coup. On continuera ensuite avec Rabat-Joie de Yannis Audois, c'est sur l'album Moment Idéal, sorti le 8 avril 2013. On retrouve Rouge Jaune Vert, Moment Idéal, Laissez Rouler, Mes Principes, un excellent album. Il est en tournée actuellement et ça cartonne. C'est triomphal. On poursuivra ensuite avec October Song de Amy Winehouse. C'est sur Frank, son premier album sorti le 20 octobre 2003. On retrouve Stronger Than Me, Fuck Me Pumps et Brother, un album que j'aime bien moi. Et on finira ce bloc en live avec Dark Avenger de Manowar. C'est sur l'album Battle Hymn, leur premier album sorti le 7 juin 1982. On retrouve Deftones, Fast Taker et Manowar. Un super album qui vieillit vachement bien. C'est un jour tranquille le long du Rio Grande, où mon cerveau malade m'avait emporté. Toutes les belles mexicaines ont en tête une idée. Elles veulent un homme un vrai, jamais fatigué. Oh non, non, non, je ne veux pas me réveiller. Oh non, non, non, c'est la vie du bon côté. Oh non, non, non, je ne veux pas me reposer. Le steak entre les mains, c'est la vie qui va bien. Et dans cette histoire, c'est moi l'aventurier. Je fais le scénario, tout à mon idée. Les filles sont presque nues, car tout est bien pensé. Il y en a à perdre de vue, c'est encore mon idée. Oh non, non, non, je ne veux pas me réveiller. Oh non. Way down inside, you need it. situation ambiguë, imprévue, devenue, répandue. Mais sous ces dames, ce n'est que le début. Pas la peine d'être tout le temps sur l'endroit. Les dieux t'aiment pas qu'on est très idiot. Du respect dans les noyaux familiaux. Et des questions de famille, soit un canot. Ce qui donne ne sera pas grosso modo. Pas la peine de leur faire trop plein de cadeaux. Si tu ne leur donnes pas ce qu'il leur faut, de l'amour, ils n'en ont jamais trop, no. Je ne viens pas faire le rabat joint ni jouer au papa. Mais je vaille à ceux qui encouragent les plus jeunes à faire n'importe quoi. Faire le rabat joie ni jouer au papa. Je ne suis pas candidat au dégât. L'éducation commence par soi. Je ne viens pas faire le rabat joie ni jouer au papa. Mais je faille à ceux qui encouragent les plus jeunes à faire n'importe quoi. Je ne viens pas faire le rabat joie ni jouer au papa. Je ne suis pas candidat au dégât, non. On a besoin de leaders, pas d'éléments perdus, tu batteurs pour former nos frères et sœurs. On a déjà fait l'erreur, je parle en tant que connaisseur. Y'a un temps pour chaque chose. Tout a gagné le pactole. Conseil ne laisse pas l'école. Ce n'est pas juste un symbole. Ta vie c'est toi qui la contrôle. Il ne vaut mieux pas jouer de rôle. Non, non, non, non, non. Sinon c'est direction la jaune. Dire du son. Je ne viens pas faire le rabat joint ni jouer au papa. Mais je faille à ceux qui encouragent les plus jeunes à faire n'importe quoi. Je ne viens pas faire le rabat joint ni jouer au papa. Je ne suis pas candidat au dégât. L'éducation commence par soi. Je ne viens pas faire le rabat joint. Encourage les plus jeunes à faire n'importe quoi. Je ne viens pas faire le rabat joie ni jouer au papa. Je ne suis pas candidat au dégât, non, non. Hey my big brother, il est temps que tout le monde se mette un soldat pour gagner ce combat. Ce n'est pas du prêchi-prêchant, seulement un rapide constat. De ta paranoïa, je veux juste savoir pourquoi tu les entraînes dans ça. Hey, pour les laisser prêts à eux-mêmes, faut quand même avoir un problème, même si chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Mais quand même, pour les laisser livrer à eux-mêmes, faut quand même avoir un problème extrême. Dans tout ça, y'a rien qui te gêne. Donc, bon angel, je ne viens pas faire le rabat joie ni jouer au papa. Mais je faille à ceux qui encouragent les plus jeunes à faire n'importe quoi. Je ne viens pas faire le rabat joie ni jouer au papa. Je ne suis pas candidat au dégât. L'éducation commence par soi. Je ne viens pas faire le rabat joie ni jouer au papa. Mais je faille à ceux qui encouragent les plus jeunes. Pas la peine de leur faire trop plein de cadeaux. Si tu ne leur donnes pas ce qu'il leur faut, de l'amour ils n'en ont jamais trop, no, no. Je ne viens pas faire le rabat joie ni jouer au papa. Mais je faille à ceux qui encouragent les plus jeunes à faire n'importe quoi. Je ne viens pas faire le rabat joie ni jouer au papa. Je ne suis pas candidat au dégât. L'éducation commence par soi. Je ne viens pas faire le rabat joie ni jouer au papa. Mais je faille à ceux qui encouragent les plus jeunes à faire n'importe quoi. Placed in his hand a sword made for the call. Vengeance, forged in brimstone and tempered by the woeful tears of the unavenged. And to carry him on his journey back to the upper world, they brought forth their demon horse called Black Death, a grim steed so fierce in his might, black in color, that he could stand as one in the darkness, save for his burning eyes of crimson fire. And on that night, they rode up from hell. The pounding of his hooves did clap like thunder. Vous êtes toujours dans la 75e Vampire Flix et c'est Spike Hilbert dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. L'avenir entre les mains, le nouveau Elmer Footbeat, Wall Lot of Love, le nouveau Hollywood Vampire. Bon, c'est pas tout à fait une nouveauté, mais bon, c'était de Led Zeppelin quand même. On a continué avec Rabat-Joie de Yannis Audouin. Ensuite, on a eu October Song de Amy Winehouse. Et on a fini ce bloc en live avec Dark Avenger de Manowar. On poursuivra avec pas mal de nouveautés là. Out the Door, le nouveau Stick Figure, c'est sur l'album Set in Stone, sorti le 13 novembre 2015. On retrouve In This Love, Sound of the Sea, Scented Seed et Weary Eyes, un top album. Allez faire un tour sur la page Facebook de Stick Figure, ils sont sur toutes les plateformes légales, allez-y, c'est du bon. On poursuivra avec une autre nouveauté, Decibel de Yalis, c'est extrait d'un album en préparation, des nouvelles très vite. Allez sur la page Facebook de Yalis, un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. Et promis, je diffuserai d'autres morceaux dans de prochaines émissions. On continuera avec une autre nouveauté, Exodus de Evolution. C'est sur l'album Children of Hate, sorti en 2015. On retrouve The Call, Spirit Never Die et Future is in Your Side. allez faire un tour sur la page Facebook de Evolution. Ils sont excellents. Et on continuera ensuite avec Sitting in the Dock of Bay de Otis Redding. C'est sur l'album The Dock of Bay, sorti le 23 février 1968. On retrouve I Love You More Than Word I Can Say, Trump, Don't Mess With Cupid. Et ça faisait longtemps que j'avais envie d'en diffuser. Promis, il y aura d'autres morceaux. Et on finira ce bloc en live avec un classique Aneurysme en cassette de Nirvana. C'est sur l'album From the Muddy Banks of Wiska, sorti le 1er octobre 1996. On retrouve School, Renew, Lithium. Et c'est une compile de différents concerts entre 89 et 94, justement à Wiska, au Québec. Voilà.

Vous êtes toujours dans la 75e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Là, Out of the Door, le nouveau Stick Figure, Decibel, le nouveau Yalis, The Exodus, le nouveau Evolution, le grand classique Sitting in the Dock of Bay de Otis Redding. Et on a fini ce bloc en live avec du son culte, cassette et live de Aneurysm de Nirvana. On continuera avec un bon bloc là. Ça, c'est un petit bloc spécial. C'est une petite dédicace à tous mes copains, ça. J'arrive, on commencera avec J'arrive de Joe Starr et Enhancer. C'est sur l'album Garo Jaguar, son premier album solo sorti le 13 octobre 2006. On retrouve Metek, Bad Boy et Chaque Seconde. Et là, on enchaîne toutes les nouveautés. Reign of Chaos, le nouveau Kraken. C'est la deuxième démo d'un album qui doit sortir bientôt. Les enregistrements commencent la semaine prochaine avec Laurent Diffre, le chanteur de Radio Belgrade. Bon rec à vous et pondez-nous du bon gros son qui tâche. J'ai hâte de vous diffuser. Allez faire un tour sur la page Facebook de Kraken. Il a aussi un SoundCloud. Il y a tout un tas de choses. Je filerai les liens sur la page. On poursuivra avec une autre nouveauté. Ne jamais douter de Antipode. C'est le deuxième extrait d'un prochain album à sortir d'ici un mois ou deux. Je sais qu'il lui manque 4 chansons. Bon courage à toi Antipode Seb et pense à moi quand il sortira. Allez sur la page Facebook de Antipode, il y a un YouTube, il y a un Bandcamp, il est partout. Et on continuera avec une autre nouveauté, Je reviens de loin de Morsen 43. Et oui, extrait d'un prochain album à sortir, d'un prochain album numérique, 13 titres à sortir d'ici un mois ou deux, peut-être moins. Il me manque 4 chansons à moi aussi, des nouvelles très vite. Il y a une page Facebook, un Bandcamp, un YouTube. Mais bon, le YouTube, c'est au nom de Jean-Philippe Marie. YouTube, il voulait plus du Morsen. Et on finira ce bloc en live avec Nous, on est chez nous de Zebda. C'est sur leur premier live, l'Atawa, sorti le 25 novembre 2003. On retrouve Il n'y a pas d'arrangement, Double peine, Le bruit et l'odeur et plein d'autres, dont Tomber la chemise, bien sûr. Psycho, ego sans ego, j'arrive, combattant de la nuit, spectateur. job. la chair en fusion. Les limbes étaient si proches, au feu des illusions, j'ai brûlé comme une torche. Je reviens de loin, là-bas c'est froid comme la mort. Je reviens de loin, à l'écart des fleurs d'or. Mais le lendemain, tes yeux grands ouverts, tu brûlais ma main d'impatience et de fièvre. Je reviens de loin, là-bas c'est froid comme la mort. Je reviens de loin, à l'écart des fleurs d'or. Barbecue en famille, instant de grâce près du grill. D'un coup mon cœur se vrille, mais je m'en sors sur le fil. Je reviens de loin, là-bas c'est froid comme la mort. Je reviens de loin, à l'écart des fleurs d'or. Bricolage au jardin, le printemps passe son plein. Mon corps défaillant se serre encore, j'en reviens encore. Je reviens de loin, là-bas c'est froid comme la mort. Je reviens de loin, à l'écart des fleurs d'or. Mais on a tant de choses à se dire encore, à dire encore. J'ai le nom, les ficelles du front, je suis celui qui danse et qui fait rater les ponts. Je fais lever les bras, les coups dans mes poumons, toute la nicotine en demande pardon. Je fais le pont, je fais la révolte des passes, et que dans mes oreilles on regarde la trace. Je fais la nuit qui fait Paris, on est notable. Où je le fais, je mets les cartes sur la table. Je fais les mix qui dégoûtent pas du vote. Je leur fais tout le monde à quoi c'est casser les côtes. Et je les noise si tu m'en vends pas dans les roses. Je te ferai ma tête, je dis qu'elle conne. Là on va, nous on est chez nous, papa, t'as les goupilles. Là on va, on est chez nous. Là on va, nous on est chez nous, papa, t'as les goupilles. Que le respect ne s'est jamais donné mépris. Je fais les incas, les forêts perdues. Et les petits que les grands n'ont jamais vaincu. A défaut des voiles et des 52 étoiles, je dessine à la main une troisième étoile. Je fais la marinade, des peuples me disent pas de salade. Je fais monter les épices, je fais le chaud et tout le chagrin des citards. Les castagnes piquent un poids et le papel, ce qui nous décolera bien la tempête. Quoi des goupilles, mais que c'est jamais sa pampe. Là on va, nous on est chez nous, papa, que les goupilles. Là on va, on est chez nous. Là on va, nous on est chez nous, papa, que les goupilles. On est chez nous. Là on va, jusqu'à la dernière note, le Zebda. Vous êtes toujours dans la 75e Imperfix et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire un super bloc nouveauté là. J'arrive de Joey Star et Enhancer. Reign of the Chaos, le nouveau Kraken. Ne jamais douter, le nouveau Antipode. Je reviens de loin, le nouveau Morsen 43. Et je tenais à remercier Yann Bachelet, avec qui j'ai coécrit ce magnifique texte. Et merci à toi, Yann. Il nous écoute sur archive.org. Merci, mon grand. Et continue comme ça. Et on a fini ce bloc en live avec Nous, on est chez nous de Zebda. On va finir cette émission avec Allez, soyons fous. Deux lives. Un en début de bloc et un en fin de bloc. On commencera par le premier bloc. Cardinal Sin, le nouveau Powerwolf en live, c'est sur l'album Metal Mass, sorti le 29 juillet 2016. On retrouve Amen and Attack, Army of the Night et Dead Boys Don't Cry, entre autres. Un super moment ce concert. On continuera avec Excess, le nouveau Frustration, c'est sur l'album Empires of Shame, sorti le 14 octobre 2016. On retrouve Just Wanna Hide, Mother Earth in Rag et Cause You Run Away. Un superbe album. En écoute sur toutes les plateformes légales. Allez faire un tour sur la page Facebook de Frustration. Un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On poursuivra avec un morceau pas très connu mais classique pourtant. New Fear Run It Down de Lee Scratch Perry. C'est sur l'album Lars from the Ark, sorti en 1990. On retrouve Conscious Man, Don't Be Afraid et What's the Use. Il n'est pas très connu chez nous, mais c'est un super musicien et un producteur de génie, notamment des Black Uhuru. On poursuivra avec un classique du punk, Mes Frères des Sales Majestés. C'est sur l'album Y'a Pas D'Amour, sorti en 2000. On retrouve Y'a Pas D'Amour, Les Patrons et Tout Est Bon Pour Faire Du Fric. Et je tiens à saluer quelqu'un qui me soutient énormément, c'est Arnaud Futur, l'ex-chanteur des Sales Majestés, qui m'encourage tous les jours pour continuer à écrire mes chansons et qui suit l'émission aussi, il me l'a dit. Merci à toi Arnaud et au plaisir de se croiser un jour. Et on finira ce bloc en live avec Super Freak de Rick James. C'est sur l'album Street Song, son cinquième album, sorti en 1981. On retrouve Give It To Me Baby, Ghetto Life et Fire and Desire notamment. Meine Freunde, jetzt wird es Zeit für einen neuen Song. Das ist Weltpremiere in Oberhausen. Hört sich gut an, ne? Nein. Seid ihr bereit für einen neuen Song? Irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn ich sage neue Song, dann machen die Leute immer ein bisschen verhalten. Gefällt euch neue CD nicht, oder was? Wollt ihr einen neuen Song? Ja! Seid ihr bereit für die Army? Ja! Seid ihr bereit for the real Army? We'll be right back. C'est une poubelle et nous en sommes les déchets. Enfants maudits des temps modernes, il ne nous reste que la haine. Alors on brûle quelques voitures pour oublier le temps qui dure, en attendant que la police fasse régner l'ordre et l'injustice. Fasse régner l'ordre et l'injustice. Où la France est une poubelle, mais frères, et nous en sommes les déchets, mais frères. Pendant que les riches vont au soleil, mes frères, nous on crève dans les HLM, mes frères. Tout est fait pour nous diviser, à chacun sa communauté. Mais si un jour on s'unissait, que vraiment on se mélangeait, on irait tous à la Bastille, prendre les riches et leurs familles, et on chanterait la Marseillaise en sirotant des packs de 16. En sirotant des packs de 16. Oui, la France est une poubelle, mes frères. Où nous en sommes les déchets, mes frères. Pendant que les riches vont au soleil, mes frères. Nous on crève dans les HLM. Exécutés par le système, mes frères. Ne nous reste que la haine, mes frères. Car les connards qui nous gouvernent, mes frères, ne lâcheront jamais les rênes, mes frères. La France est une poubelle, mes frères. Et nous en sommes les déchets, mes frères. Pendant que les riches soleil, mes frères, nous on crève dans les HLM, mes frères, mes frères, mes frères. That girl is pretty cute. That girl is super freak. I really like your case. Qui c'est qui a dit journée piscine? Il est nul ce Spike. Alors on a fait un super bloc là. Cardinal Seed, le nouveau Powerwolf. XS, le nouveau Frustration. New for Run It Down de Lee Scratch Perry. J'ai du mal à le dire ce titre. Mes frères des Sales Majestés, et on a fini ce bloc en live avec Super Freak de Rick James. Et oui, cette 75e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Pour clôturer cette émission, on finira avec Breakfast Cyborg de Buckethead. C'est sur l'album Kaleido Scalp, sorti le 22 novembre 2005. On retrouve Frankensus Laboratories, Music Box in Hard et Citadel notamment. Sa discographie est impressionnante. Plus de 20 albums depuis les années 90. Allez, à la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. À la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et surtout, n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu!